Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la catastrophe de l'Exxon Valdez en 1989. Plus de 1000 km de rives sont touchées. Du brut, on en a vu partout, sur les plages, de dizaines de petites îles comme celle-ci, difficiles d'accès. Le nettoyage est presque impossible. La catastrophe est considérable aussi parce qu'elle survient dans le fond d'un golfe rempli d'îles, un endroit où l'on retrouve une des plus fortes concentrations d'animaux en Amérique du Nord. Jacques Bissonnet, au Téléjournal du 10 avril 1989, quelques jours seulement après le naufrage de l'Exxon Valdez, c'est le 24 mars 1989 que le super pétrolier s'échoue au large de l'Alaska. 40 000 tonnes de pétrole brut vont se déverser dans l'océan à la suite de ce naufrage. À ce jour, la catastrophe de l'Exxon Valdez reste l'un des pires désastres écologiques à s'être produit en mer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un pétrolier géant reste échoué ce soir dans le golfe d'Alaska et sa cargaison polluante s'en échappe à un rythme effarant. Responsable du désastre, le superpétrolier Exxon Valdez, propriété de la plus grande pétrolière au monde, Exxon. Le colosse de 300 mètres de long transportait 1 300 000 barils de brut quand il a heurté un récif pourtant bien indiqué à une quarantaine de kilomètres au sud du grand terminal de Valdez. Il avait emprunté cette route pour éviter d'être gêné par les effritements très fréquents en cette saison du glacier Columbia. Depuis l'accident la nuit dernière, il s'est échappé de l'Exxon Valdez plus de 300 000 barils de pétrole, une quantité déjà 60 fois supérieure à celle qui s'était répandue en décembre sur les plages sud et ouest de l'île de Vancouver. Exxon a fait appel à ses équipes de sauvetage du Texas, de la Californie, du New Jersey et même de la Grande-Bretagne pour limiter, dans la mesure du possible, l'étendue des dégâts. Le 24 mars 1989, le Téléjournal de Radio-Canada, comme à peu près toutes les télévisions du monde, parle du désastre qui vient de se produire au large de l'Alaska. Peut-être d'ailleurs avez-vous toujours en tête ces images qu'on a vues, ces images saisissantes de grandes marées noires en 89. Pour revenir sur cette catastrophe de l'Exxon Valdez, pour nous parler de ses causes, mais aussi de l'ampleur des dégâts que va causer ce déversement de 89 sur l'environnement, je reçois mon collègue Étienne Leblanc, qui est journaliste spécialisé en environnement, justement, à Radio-Canada. Étienne Leblanc, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous la situez où, cette catastrophe d'Alexon Valdez, Étienne, à l'échelle des plus importants désastres écologiques dans l'histoire? Bon, il y en a eu au 20e siècle quand même plusieurs désastres écologiques. Hein. Tchernobyl en 86, l'explosion à Bhopal en Inde en 84, les feux du Koweït, on oublie ça pendant la guerre du Golfe, les feux du Koweït dans les pétroliers dans le Golfe, sur le bord de la mer, ont déversé plus d'un milliard de litres de pétrole dans le Golfe Persique. Bien sûr, Fukushima, l'accident nucléaire. Il y a eu d'autres grand déversement pétrolier, l'Amoco Cadiz, bateau du Libéria qui s'est échoué au large de la Bretagne en 1978. Bon, de grands désastres, mais je dirais que l'Exxon Valdez fait certainement partie des 5 ou 10 plus grands désastres écologiques, non pas tant parce qu'il a déversé beaucoup de pétrole. Il y a eu de plus gros déversements que l'Exxon Valdez. On parle de 42 millions de litres de pétrole déversés. Je vous disais, l'Amoco Cadiz, 200 millions de litres. Donc, c'est pas aussi gros, mais ce qui est particulier de l'Exxon Valdez, c'est là où ça arrive, donc dans un lieu très isolé. Jacques Bissonnet le décrivait bien, donc une baie remplie d'îles, donc il y a des croûtes partout, tout autour. Les eaux sont froides, et donc c'est ce qui a fait que le désastre en question est devenu très grave. L'impact a été très, très grand. Oui, parce que ça s'est déversé partout autour sur les côtes. Ouais. Et là, le pétrole est devenu irrécupérable. Et on pourrait expliquer les circonstances dans lesquelles ça s'est fait, où on a vraiment perdu le contrôle sur la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe, donc, effectivement, précisément, cette fameuse nuit du 24 mars 89, Étienne Leblanc? Oui, alors, le bateau, l'Exxon Valdez, 300 mètres de long, on le disait, quitte le port de Valdez. C'est un terminal pétrolier, donc, où arrive le pipeline Trans-Alaska, qui transporte le pétrole du nord de l'Alaska vers le sud. On est au sud de l'Alaska. 21h12, donc, jeudi 23 mars, le navire quitte. Et donc, il est piloté par un pilote d'appoint qui aide donc le capitaine du bateau à sortir d'un étroit passage de Valdez. Et là, quand on arrive dans la baie, le pilote d'appoint descend, retourne au port, et c'est le capitaine qui prend la barre. Et là, on commence à avancer. Puis là, à un certain moment donné, le capitaine donne la barre à son second, qui plus tard va le donner à l'apprenti capitaine. Et on s'aperçoit que dans le couloir de navigation, il y a des icebergs. Et donc, le capitaine donne l'ordre de dévier du couloir de navigation pour éviter ces icebergs. Et c'est en déviant de ce couloir qu'on frappe le récif de Bligh. Et là, le bateau s'arrête. Et il y a 8 des 11 citernes de l'Exxon Valdez donc, qui sont éventrées. Et là, le pétrole commence à s'écouler. 42 millions de litres de pétrole. Et donc, c'est à minuit 4, le 24 mars, que ça arrive. 24 mars, c'est vendredi saint. Donc, c'est le début du grand congé de Pâques. Et donc, il y aura, comme je le disais, 42 millions de litres qui vont se déverser là, pendant plusieurs jours dans cette baie accidentée. Ouais. Avec une réponse qui sera très, très lente, on reviendra dans un instant. Mais un petit mot sur le déroulement des événements que vous venez de décrire. Est-ce qu'avec le recul, est-ce qu'on sait si cette catastrophe-là aurait été évitable, Étienne? Elle aurait certainement pu être moins grave qu'elle l'a été. Ça, c'est certain. Bon, s'il y avait eu des règles comme il y a aujourd'hui sur les couloirs de navigation, le navire n'aurait jamais quitté son couloir de navigation. Le récif qui l'a frappé, le navire, il était connu, il était sur les cartes. Donc, c'était pas une surprise. Mais il y avait toutes sortes de choses. Il y a une série d'événements qui ont fait que c'est devenu pire que ça aurait pu être. Le radar, par exemple, qui aurait pu détecter le fameux récif, ne fonctionnait pas. L'équipage était vraiment très, très fatigué. Ça, on l'a prouvé plus tard. Je le disais, l'accident arrive en pleine nuit. Ouais. Le vendredi saint, donc c'est vraiment le début du long congé. Donc, il n'y a personne qui est là. Quand on commence à appeler des gens, tout le monde est en congé. Ouais. Et donc, la fameuse chaîne d'intervention d'urgence ne fonctionne pas. Les listes de téléphone sont désuètes. Et donc, tout ce qui aurait dû se produire pendant la nuit pour intervenir ne s'est pas produit. Et puis, dès le départ, écoutez, est-ce que vous nous décrivez, en tout cas, je ne pense pas que ce soit normal ou souhaitable, un capitaine qui n'est plus là, c'est un second, puis ensuite, quelqu'un qui n'a à peu près pas d'expérience, qui est aux commandes du navire, quand même. Oui, tout à fait. Donc, une forme de laxisme, là, non? Gros laxisme. Même le capitaine, on a prouvé qu'il était en état d'ébriété. On a essayé de l'accuser là-dessus. Il a été acquitté, mais effectivement, un laxisme, on peut entendre sur Internet, si vous cherchez, l'appel du capitaine au terminal de Valdez, sa voix est pâteuse. Ouais. Il est un peu condescendant. Il n'a pas l'air de mesurer la gravité du tout de ce qui se passe. Et donc, ça va prendre 12 heures avant qu'il y ait une première intervention qui arrive. Alors ça, ce sera la deuxième étape. Et là encore, la catastrophe du déversement va se poursuivre d'une certaine manière avec cette opération de nettoyage qui se met en place, mais de manière chaotique et très, très lente. Pour en témoigner, on écoute un extrait de ce reportage de Jacques Abouchard qui est diffusé à la télévision française le 31 mars 1989. Dans l'ambiance fiévreuse de son PC opérationnel, la compagnie Exxon essaye de parer au plus pressé après avoir clamé pendant 10 ans qu'une marée noire était à exclure, que toutes les précautions étaient prises en cas de pépin. Or, c'est à la fois l'inertie et la panique qui ont prévalu dès la formation de la nappe. Poussée par le vent, la nappe s'est déplacée vers le sud de la baie du Prince William, vers ces îles que vous apercevez derrière moi. Elles ont été survolées en hélicoptère il y a 48 heures par les envoyés du président George Bush. On leur avait annoncé qu'une véritable armada de bateaux se trouvait sur place et déversait des produits pour protéger les côtes. Or, les émissaires de Washington n'ont pas vu grand-chose. Ils se sont étonnés et ils ont posé des questions. Où sont les bateaux? On nous parle de nettoyage, mais où a-t-il lieu? En réalité, navires et barges de nettoyage existent bien, mais en nombre très limité. Au point que, depuis 6 jours, elles ont recueilli seulement 1% de la masse de pétrole qui s'est répandue dans la baie. Ah, si le déversement du 24 mars 89 est déjà une première catastrophe, Étienne Leblanc, on l'entend bien dans ce reportage, l'opération de nettoyage, c'est aussi une manière de catastrophe. Comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Bon, ça va mal se passer. Quand le soleil se lève le 24 mars au matin, il fait beau, la nappe de pétrole est autour du bateau, elle se répand sur à peu près 1 kilomètre ou 2. Si on avait eu donc les estacades, ces fameuses barrières pour contenir le pétrole, on aurait pu contenir la catastrophe là. Ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a rien fait. Comme je le disais, pendant 12 heures, on voit le chaos, on entend le chaos dans le reportage un peu, là. Et après, à un moment donné, il y a un hélicoptère qui arrive avec du dispersant chimique, donc pour briser les molécules de pétrole. Le dispersant est déversé, elle manque sa cible à côté de la nappe de pétrole. Et là, le soleil va s'en aller, le vent va se lever, là, il y a une tempête qui va arriver. Et donc, les opérations de sauvetage sont suspendues. Et c'est là que la vraie catastrophe survient, c'est que le pétrole se répand sur à peu près 700 kilomètres de côte, transporté par le vent, par les vagues. Et c'est là qu'on va perdre le contrôle, dans le fond, total sur ce désastre, quand la tempête va arriver. Et donc, dans les jours et dans les semaines qui vont suivre, on va essayer toutes sortes de choses. Bon, finalement, après quelques semaines, on a apporté de l'équipement, des barges, des estacades. Donc, on va essayer de contenir le pétrole qui est dans l'eau. Celui sur les côtes, on va essayer plus tard. Après ça, on va amener des bateaux écumoires pour essayer d'écumer le pétrole et pomper l'eau avec le pétrole pour l'enlever. Et puis, on va déverser du dispersant chimique sans trop savoir quelles sont les conséquences sur l'environnement. Ça sera vraiment très, très controversé. Et puis, sur les côtes, carrément, on va prendre ce dispersant chimique avec un jet à haute pression et on va asperger les roches pour renvoyer le pétrole dans l'eau pour pouvoir le récupérer. Mais vous imaginez asperger un écosystème fragile avec un jet à haute pression de produits chimiques, on a créé là un petit désastre écologique. Et donc, ça ne va pas du tout bien se passer. Ça va prendre des semaines et des semaines. Des semaines et des années, en fait, parce que cette opération-là, qui sera très, très coûteuse pour Exxon, la compagnie pétrolière responsable du désastre, mais ça va être des années de nettoyage au final, il y a un peu de recul maintenant. Ça fait 30 ans. Quel genre de... D'abord, quelle ampleur ça aura? Ça dure vraiment quelques années. Puis, quel genre d'efficacité aura au final cette opération de nettoyage? Bon, on va... Dans les mois qui vont suivre, on aura retiré à peu près 15 % du pétrole qui s'est déversé. Et vous souvenez de ces images, Jacques, des gens agenouillés sur les côtes avec le papier absorbant, avec les pelles. Ils mettaient le pétrole dans les sacs de poubelle. Ils mettaient les oiseaux englués dans les sacs de poubelle. Donc, on y allait à la mitaine, quasiment. On n'avait pas vraiment de plan de match parce que le pétrole était partout collé sur les parois rocheuses. Et donc, finalement, 30 ans plus tard, c'est la nature qui va jouer son rôle. Hein. Le pétrole, c'est un élément naturel qui se biodégrade dans la nature normalement avec les molécules. Et là, plus difficilement dans cette région-là, pour ça que c'est grave, ce désastre, parce que la biodégradation du pétrole, elle est beaucoup moins efficace quand il fait froid. Les molécules travaillent beaucoup moins bien. Et donc, aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, on trouve encore du pétrole sur les plages et les côtes quand on creuse un peu dans le sable. Et parfois, il y a des petites poches de pétrole qui arrivent encore sur les côtes. Donc, la nature a repris ses doigts. Il y a plus de 250 millions d'oiseaux marins qui sont morts suite à ce désastre. Bon, ils sont revenus. Il y a une population d'épaulards. Près du deux tiers avait été décimée. Tranquillement, ils reviennent, les loutres marines, les loutres de mer, les phoques, etc. Mais il y a eu beaucoup d'animaux qui sont morts et ça a affecté la pêche, le saumon, le hareng, etc. Et donc, c'est très long pour que la nature reprenne ses doigts. C'est pas revenu encore à 100 % 30 ans plus tard. Les suites qu'aura cette affaire-là sur le plan légal, qui sera tenu responsable? Il y aura plein de procès. Oui. Au final, qui sera tenu responsable? Qu'est-ce que ça coûtera à une compagnie comme Exxon? Oui. La stratégie d'Exxon, dès le départ, c'est de porter le blâme sur le capitaine, hein, qui était en état d'ébriété. Donc, on a dit, c'est de sa faute. Il a laissé le gouvernail à son apprenti. Il n'était pas là, il dormait, etc. Donc, c'est de sa faute. Et donc, Exxon va mettre beaucoup d'efforts pour essayer de détourner l'attention, si vous voulez. Mais finalement, le capitaine sera acquitté, hein, même qu'on n'a pas pu prouver qu'il était en état d'ébriété. Et donc, les procès vont se multiplier et ça va prendre du temps. Hein, va prendre du temps jusque dans les années 2000 où il y a une cour donc, de l'Alaska qui va condamner Exxon Valdez qui avait déjà donné 300 millions de dollars américains aux gens qui avaient été affectés par cette tragédie, les travailleurs, les pêcheurs, etc. Parce qu'ils ne peuvent plus pêcher. On en a à peine parlé, mais c'est ça que ça veut dire aussi, cette catastrophe. Exactement. Suspension de la pêche, le tourisme aussi, tout ça, c'est donc une économie qui s'effondre. Ouais. Donc, 300 millions de dollars. Mais là, il y a une cour en 2004 qui dit à Exxon, vous allez verser 5 milliards de dollars à ces personnes-là. Et donc, Exxon amène son cours. La Cour suprême, en 2008, on est presque 20 ans après. Donc, la Cour suprême diminue cette facture par 10 et donc exige qu'Exxon paye 500 millions de dollars aux plaignants. Et sur 20 ans, là, il y a 4 000 personnes qui faisaient partie des plaignants qui sont mortes entre-temps, donc qui n'auront jamais vu la couleur de cet argent. Donc, au final, Exxon s'en sort assez bien, finalement. Ouais, à 500 millions, auquel on rajoute, évidemment, ça aura coûté quoi? 2 milliards et demi, à peu près? 2 milliards et demi de dollars nettoyage. Donc, pour nettoyer 10 000 bateaux. Il y a des milliers de travailleurs qui ont travaillé là. Donc, évidemment, ça va coûter très, très cher à Exxon, qui va devenir un peu un exemple après de sécurité. Ouais. Ils vont faire beaucoup d'efforts là-dessus. Mais c'est pas encore parfait. Quelles leçons, est-ce qu'il y aura des leçons de tirer par les autorités politiques, par exemple, de cette catastrophe de l'Exxon Valdez? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, si le navire avait eu une double coque, évidemment, le pétrole ne se serait pas déversé comme ça dans l'eau. Il y aurait une couche de la coque qui se serait déchirée, mais le pétrole aurait été protégé. Donc, on a donc imposé les doubles coques sur les pétroliers et les couloirs de navigation très stricts maintenant, où les bateaux ne peuvent plus dévier sans des autorisations très, très, de très haute autorité. Ouais. Et donc, si le bateau avait eu ses règles à l'époque, eh bien, probablement qu'il aurait peut-être attendu que les icebergs se déplacent, mais n'aurait jamais frappé ce fameux récif ouais. qui était connu de toute façon des géographes. Mais l'imposition de ces nouvelles règles, ça pose la question, ça nous ramène à la question de la responsabilité. Bien sûr, un certain laxisme sur le terrain, ouais. La responsabilité de la compagnie Exxon, qui a fait preuve de laxisme aussi, parce qu'ils étaient tellement... L'opération de nettoyage qui tarde à s'organiser, c'est dû à un certain laxisme où Exxon ne pouvait même pas imaginer qu'une catastrophe comme celle-là arriverait. Mais qu'est-ce qui appartient au fond à la compagnie en termes de responsabilité? Qu'est-ce qui appartient aux autorités de l'Alaska qui veulent faire du développement économique, qui ont des règles plus ou moins serrées? Ouais. Comment faire le départage? Ben, aujourd'hui, on en connaissait beaucoup moins sur l'environnement arctique à l'époque. Aujourd'hui, la science est beaucoup plus avancée, donc on est beaucoup plus prudent. Mais à l'époque, quand on a construit sa fameuse pipeline qui traverse l'Alaska, qui transporte le pétrole du nord vers le sud, les autorités de l'Alaska avaient promis d'imposer des règles strictes. Donc déjà à cette époque-là, dans les années 70, on parlait de navires à double coque, on parlait de couloirs de navigation très stricts, mais ça n'avait jamais été coulé dans le béton, jamais écrit dans une loi, etc. Et donc l'industrie, dont Exxon, entre autres, mais aussi la compagnie de pipeline, a fait du lobby ouais. pour ne pas se faire imposer ces règles-là. Et ils ont gagné finalement. Mm-hmm. Le gouvernement a plié et de tout temps. Donc, le pipeline a commencé donc, à transporter du pétrole en 79. Et pendant 10 ans, on a mis en place un plan d'urgence d'intervention si jamais il y avait un accident. Il n'y en a jamais eu. Et le plan n'avait jamais été mis à jour. Et donc, quand c'est arrivé en 89, bien, tout ce qui était d'intervention d'urgence était enterré sous la neige, pas en fonction, etc. Et donc, l'industrie, avec son lobby, a gagné finalement à ne pas se faire imposer de règles de sécurité. Et donc a dû payer les conséquences plus tard. Donc, c'est pas de la faute du capitaine comme tel. Ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Oui, c'est toujours la même chose. Hein? Plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. L'intérêt économique, il y a des politiciens qui veulent, c'est des emplois. C'est un impact économique énorme, un projet comme celui-là. Louisiana State Police has my hotline. This is Walter. May I help you? Hi, my name is Carlos Moreno. Police d'État de la Louisiane. Walter à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Carlos Moreno. Je voudrais vous faire part d'un incident survenu au large et qui concerne l'une de nos opérations de forage. Très bien, monsieur. Et c'est en dehors des eaux de l'État de la Louisiane? Oui, monsieur, ce sont les eaux fédérales. Très bien. Et pour quelle compagnie travaillez-vous, monsieur Moreno? BP. All right. And Mr. Moreno, you work for which company? BP. And when did this occur? What date and time? The oil was discovered this morning. Et à quel moment c'est arrivé? Quelle date? Quelle heure? Le pétrole a été découvert à 10 heures ce matin, mais l'incident lui-même, qui est un problème de contrôle des puits, a débuté hier soir à 22 heures. Pouvez-vous quantifier ou mesurer la quantité de pétrole qui a été libérée? Non, à ce moment-ci, nous n'avons qu'une idée de grandeur. D'accord. Donc, aucun volume ou d'autres informations à ce stade-ci? Exact. Et je suppose que c'est hors site, c'est-à-dire que c'est en surface des eaux du golfe du Mexique? Oui, c'est à 77 kilomètres au large. It's off-site. I mean, it went off-site on the surface water of the Gulf of Mexico. Yes, and this is like 48 miles inshore. Ce que vous venez d'entendre, c'est le premier appel d'urgence fait par un employé de BP au moment de l'explosion de la plateforme de forage Deepwater Horizon en avril 2010. ce qui est hallucinant et surréaliste dans ce qu'on vient d'entendre, Étienne Leblanc, c'est qu'il y a, c'est une catastrophe majeure. C'est pour ça qu'on en parle. On va comparer un peu comment cette catastrophe se compare justement à Alexandre Valdez. Mais c'est l'espèce de calme, de stoïcisme. Oui, la désinvolture par rapport à cette grande tragédie. C'est énorme là, ce qui est en train de se produire dans le golfe du Mexique. Et à ce moment-là. Quand on écoute le capitaine Alexandre Valdez, on a le même sentiment. Ah oui, on va être pris ici pendant plusieurs jours. Bon, c'est vrai et c'est une tragédie énorme, mais on ne la mesure pas tout de suite. Et donc, c'est cette grande explosion qui survient sur une plateforme. À la différence d'Exxon Valdez, où il n'y a pas eu de mort, dans cette tragédie de Deepwater Horizon, il y a 11 morts, 11 personnes qui meurent donc, sur cette plateforme. Une explosion. Et donc, le puits qui est au fond du golfe du Mexique rompt. Et là, le pétrole sort du trou dans le fond sans aucun contrôle, à 5 km sous la surface. Et pendant des jours et des semaines, moi, j'ai été là 3 reprises sur le terrain pour faire des reportages là-dessus. On va imaginer des solutions plus farfelues l'une que l'autre pour essayer de stopper ce flot de pétrole. Et donc, il y aura 200 millions de litres de pétrole qui vont se déverser dans le golfe du Mexique. Je disais, Exxon Valdez, 42 millions. Oui. 200 millions, donc beaucoup plus de pétrole. Et ça va toucher 4 États, la Louisiane, le Mississippi, le Texas. Énorme tragédie, les plages noires, etc. La grande différence, donc beaucoup plus de pétrole, la grande différence, c'est que cette tragédie survient dans le golfe du Mexique avec des eaux à peu près 25 degrés Celsius. Et donc, ce fameux mécanisme de biodégradation dont je parlais, il s'opère beaucoup plus efficacement. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des conséquences énormes. On a vu, donc, les pélicans encore englués dans le pétrole. On mesure encore les effets. Ça fait presque 10 ans maintenant sur les plages là, de l'Alabama, du Mississippi. Magnifique plage dans les bayous de la Louisiane pour les pêcheurs de crevettes, etc. Des conséquences énormes. Mais la nature reprend ses droits là beaucoup plus rapidement que dans les eaux de l'Alaska. En terminant, est-ce que ça, c'est deux catastrophes énormes avec les différences que vous avez faites, mais est-ce que ce genre de catastrophe, Exxon Valdez, Deepwater Horizon, c'est encore possible aujourd'hui? C'est possible parce que suite à Deepwater Horizon, M. Obama, le président américain, avait mis des règles pour le pétrole offshore, pour le transport du pétrole dans l'Arctique. On avait imposé des règles qui n'ont jamais vraiment été mises en place parce qu'elles ont été amenées en cours et tout. Et avec l'élection de Donald Trump, il est en train de défaire ces règles pour que les compagnies pétrolières puissent de nouveau exploiter avec moins de règles dans le golfe du Mexique ou en milieu marin et surtout dans l'Arctique. Et donc, avec le réchauffement climatique, avec l'ouverture du passage du Nord-Ouest, on a un accès beaucoup plus profond, de plus en plus profond à l'Arctique. Et donc, c'est sûr que les compagnies vont vouloir aller explorer là. Et c'est certain que les risques d'un déversement en eau froide sont toujours très, très grands parce qu'on n'a pas de contrôle une fois que ça survient. Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement à Radio-Canada. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.